Chapitre 17e. Trois jours après, pendant que j'étais occupé à passer en revue la bibliothèque très considérable dont M. de Boréas m'avait fait présent, Laure, qui était sortie pour rendre quelques visites, rentra les yeux rouges. Elle avait pleuré. Je soupçonnais déjà le sujet de son chagrin, mais je n'osais lui en parler clairement. « D'où viens-tu ? » lui dis-je avec inquiétude. « De me promener, » répondit-elle d'un air dégagé qui n'était pas sans affectation. « Le soleil est si beau aujourd'hui, j'ai voulu visiter les remparts. »« Et tu as pleuré, moi ? Pourquoi aurais-je pleuré ? Ai-je sujet de pleurer, affreux jaloux ?» Et en même temps, elle s'approcha de moi et me regarda de si près, les yeux dans les yeux, que je ne pus m'empêcher de la faire asseoir sur mes genoux et de l'y retenir moitié de gré, moitié de force pendant quelques instants. « Écoute, cher ami, lui dis-je, tu me caches quelque chose. Parle franchement, qu'est-il arrivé ?» « Et que veux-tu qu'il arrive à Rochebaron ? » répondit-elle en riant aux éclats. « Il faisait beau ce matin, les oiseaux chantaient, les voisins jacassaient. Tu n'étais pas là et je m'ennuie un peu, j'ai fait des visites. Mais rassure-toi, je me suis ennuyé encore davantage. Alors, pour me consoler, pour me distraire, veux-je dire, j'ai fait toute seule le tour des remparts, et j'admirais la fameuse tour de Godefroy de Rochebaron. » D'où le bourgeois Jehan Maillet a précipité les Anglais dans le fossé en 1422. Veux-tu que je te fasse voir l'endroit ? La brèche n'a jamais été réparée. Je vis bien qu'elle ne voulait pas m'avouer la vérité, et je ne me doutais que trop d'ailleurs du motif de son silence. Je n'insistai donc pas pour en savoir davantage, et après une conversation de quelques instants, je sortis pour réfléchir à ce que je devais faire. La première personne que je rencontrai fut mon amie Martine. Mais quoiqu'il me reconnût fort bien, il feignit de ne pas me voir et se détournait déjà pour entrer dans une autre rue lorsque je courus après lui et, l'appelant par son nom, je le forçai de se retourner. Il vint alors à moi, mais il avait l'air contraint. Nous causâmes quelques instants des affaires du lycée, des ridicules du recteur et du proviseur, suivant l'habitude de tous les subordonnés, mais nous pensions tous deux à toute autre chose. Enfin, j'arrivai au but. « Avez-vous vu ma cousine aujourd'hui ? » lui dis-je. Il hésita un peu, puis, après un instant de silence, « Est-elle venue chez nous aujourd'hui ? » demanda-t-il. « Je ne l'ai pas vue. »« Ah, je croyais qu'elle devait aller vous voir. Elle aura sans doute remis la visite à un autre jour. » Tout en parlant, je le regardais attentivement, car je me souvenais que la veille, Laure avait annoncé qu'elle irait voir Madame Martin. Lui-même paraissait très embarrassé de cet examen. Enfin, il prit son parti et me dit « Parlons franchement, mon cher ami. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit dès votre arrivée toute la vérité ? Je suis un confrère, moi, et un camarade. Je ne suis pas un censeur et un juge. J'étais jeune, après tout, et je sais ce que parler veut dire. Au lieu de cela, vous nous mettez tous dans une situation compromettante et presque ridicule. Madame Martine est furieuse. Elle dit que c'est ma faute, que j'aurais dû l'avertir. » Que je connaissais tout, et que je n'aurais pas dû. » Pendant que Martine parlait, je sentais un froid mortel se glisser dans mes veines. Je devinais tout. Laure, évidemment, passait pour avoir été de tout temps ma maîtresse, et ma mère n'était là que pour couvrir le scandale d'un amour illégitime. À cette funeste pensée, je maudissais mon sort et moi-même. Cependant, je sentis qu'il fallait faire bonne contenance, et d'un air hautain, j'interrompis mon amie Martine. « Je n'aurais pas dû, monsieur. Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire ? Expliquez-vous, monsieur. »« Mon Dieu, mon cher ami, » dit Martine, « ne vous fâchez pas. Je serais bien fâché de vous offenser. Mais vous devez comprendre ma pensée. Je suis marié et père de famille, après tout, et des choses qui feraient rire des jeunes gens et qui ne me scandalisent pas du tout au fond du cœur deviennent très graves quand je songe au pays où nous sommes. » « Réfléchissez donc, mon cher ami, que nous n'habitons pas Paris, mais bien Rochebaron. Il faut avoir égard aux convenances, que diable !»« Mais enfin, que voulez-vous dire ? Eh ! Vous m'entendez bien sans que je m'explique davantage. Mademoiselle Laure vous aime, vous l'aimez. Elle vous suit, elle fait votre bonheur, je n'ai rien à y reprendre. Mais pourquoi ne pas l'épouser avant de venir ici ? Ou pourquoi la présenter partout comme votre sœur, ou... S'il vous plaisait de le faire, pourquoi ne pas garder au moins, jusqu'à la fin de l'année, ces noms de frères et de sœurs qui vous préservaient de tout scandale ? Aux vacances, rien n'était plus aisé que de vous marier à Paris, loin de tous les yeux, et de demander votre changement. à l'autre extrémité de la France, personne n'aurait rien su ni deviné de cette histoire, après tout très naturelle. Car je vous le répète, mon cher ami, je suis loin de vous blâmer. Mais le monde de Rochebaron vous blâme. Ma femme, pardonnez-moi, est furieuse. Et j'ai eu toutes les peines du monde à l'empêcher. » Je l'écoutais en silence, abattu, consterné, cherchant surtout par quels moyens je pourrais le convaincre de la vérité, car enfin, pensais-je, si telle est l'opinion d'un ami, quelle sera celle de tous les gens de Rochebaron? Enfin, je lui pris la main d'un air sérieux et je lui dis « Écoutez-moi, Martine. Je prévois les suites de mon étourderie et je suis prêt à les subir. Mais je ne voudrais pas perdre l'estime d'un honnête homme et laisser croire à vous et à mes autres confrères qui m'ont si bien accueilli et qui m'ont toujours témoigné tant d'amitié que j'ai pu les tromper par un mensonge, et surtout que Laure, ma chère Laure, qui va devenir ma femme, n'est pas l'égale des femmes les plus vertueuses. » Puis je lui racontai de point en point toute mon histoire et celle de ma cousine. Il en parut touché et me promit d'employer tous ses soins à faire connaître la vérité. « Mais je ne vous cache pas, dit-il, que c'est une tâche difficile, car le monde aime à croire ce qui flatte sa malignité. La vie retirée et un peu dédaigneuse des cancans du pays que vous menez ici paraît une critique des goûts et des habitudes de la province. Mademoiselle Laure est charmante, ce qui fait par tout pays beaucoup d'envieuses. Enfin, le recteur, qui vous déteste, sera enchanté de trouver un prétexte plausible pour vous attaquer et vous faire destituer. Double profit pour lui, car il fera sa cour à l'évêque en suscitant un petit scandale universitaire. Il montrera sa propre vertu en critiquant vos prétendus déportements, et tout ce qui n'est pas irréprochable sera heureux de le seconder. Crier contre la débauche est le moyen le plus sûr et le plus facile d'acquérir la réputation d'un sage. » Pendant ce discours, plus vrai que consolant, j'avais le cœur déchiré. Je remerciai Martine, et me sentant plein d'une indignation et d'une douleur dont je n'étais pas maître, je m'en allai au hasard dans la campagne, car je ne voulais pas que Laure pût se douter des cancans horribles dont elle était en ce moment l'objet. Le soir, je rentrai, et nous dînâmes silencieusement. Puis elle prétexta une migraine et se retira dans sa chambre. Je ne cherchais pas à la retenir. J'avais moi-même besoin d'être seul. Quel mal ai-je fait à tous ces gens-là, pensais-je, pour qu'ils me persécutent ainsi et se jettent en travers de mon bonheur? Suis-je leur ennemi? Ai-je pris leur part de soleil? Suis-je entré dans leurs affaires ou bien ai-je jamais désiré d'y entrer? Ai-je dit du mal de quelqu'un d'eux, convoité leur bien, leur femme ou leur enfant? Moi, qui n'ai jamais eu d'autre rêve que de vivre seul avec Laure et d'étudier, d'aimer et de devenir illustre, si c'est possible, mais en faisant de beaux livres ou de grandes actions, me voilà à la merci de quelques mauvaises langues et d'une foule imbécile qui se croirait dupe si elle me croyait honnête homme, pour qui la pudeur, la vertu et l'amour ne sont que des mots, et qui peut-être, si elle croyait que je respectais Laure, me tournerait en ridicule. Qu'ai-je fait au ciel pour que mes amis eux-mêmes n'aient pas eu un seul instant l'idée de me défendre, pour que les plus bienveillants ne voient là qu'un sujet de plaisanterie, et que M. de Boréas, le seul, peut-être, qui aurait voulu me défendre, s'éloigne en ce moment même sans que je puisse le reprocher son départ, et après m'avoir forcé moi-même de le désirer. Pauvre Laure, s'il savait à quel soupçon avilissant elle est en butte, qui sait quel en serait l'effet sur cette âme si fière et si sensible? Quel coup de poignard dans le cœur d'une femme vertueuse que ce soupçon de mensonge et d'hypocrisie! J'en étais là de mes réflexions, lorsque j'entendis un bruit de voix dans la chambre de Laure. La vieille femme qui nous servait, moins prudente que moi, était justement occupée à répéter à sa maîtresse tous les bruits de la ville. « Ah, pauvre chère demoiselle, disait cette infernale bavarde, si vous saviez comment vous traite, vous et M. Gaston Phoebus, c'est une horreur. Ils disent que vous vivez ensemble depuis 5 ans, qu'avant ce temps vous étiez à Paris sur le pavé, simple couturière, et que vous aviez un amant. Qu'alors, M. Gaston Phoebus, vous avez pris avec lui et que sa mère n'était pas sa mère mais la vôtre, et qu'elle avait consenti à vivre avec vous deux parce qu'elle n'avait pas d'autre moyen d'existence. Madame Brodin, la femme de l'architecte, a dit qu'il fallait que vous fussiez une perdue pour avoir osé vous présenter chez elle et chez tous les gens honorables, et que si elle l'avait su quand vous êtes allé la voir, elle vous aurait fait mettre à la porte, vous et votre famille de saltimbanques. Ah, pauvre demoiselle, c'est bien à elle de parler de cela. Elle croit donc qu'on a oublié son aventure avec Monsieur Gruan l'aîné, l'avocat qui fit tant de bruit il y a 15 ans. Même on dit que Monsieur Brodin en souffleta Monsieur Gruau l'aîné, et que Monsieur Gruau le mena en police correctionnelle. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je ne voulais pas en entendre davantage, et laissant cette vieille pestiférée distiller lentement son poison dans le cœur de ma pauvre Laure, j'allais me coucher avec une envie furieuse de massacrer quelqu'un le lendemain.